Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de podcast Wengood. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marion Tihi, coach spécialisée en bien-être et développement personnel. Marion, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours ainsi que votre métier ? Alors, moi, je suis donc Marion Tihi, j'ai 25 ans, je suis accompagnatrice bien-être. J'aime bien ce terme, je trouve que ça me correspond mieux à ma personnalité que coach. Et donc j'ai passé une licence de psychologie, j'ai également eu une certification de sophrologie cognitive, j'ai travaillé également entre les deux en tant qu'auxiliaire de vie avec des personnes âgées, et puis voilà, je pense que ma personnalité fait qu'aujourd'hui j'ai choisi ce métier parce que je suis vraiment à l'écoute, je suis très empathique, j'aime bien conseiller les gens. Et en général, on dit de moi que j'écoute très bien, que je donne de bons conseils. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Oui, et accompagner les gens. C'est une vocation. Voilà, c'est ça. Quelle est votre proposition ? Alors, en premier lieu, j'ai créé un programme donc, en ligne. C'est totalement numérique, digital. C'est un programme de 10 semaines de suivi. Donc tout simplement, il va y avoir des modules à suivre. C'est comme une formation en ligne. Et toutes les 10 semaines, il va y avoir un cheminement, tout un parcours avec des dossiers, des réflexions, des conseils, plein de choses à appliquer au quotidien. Et toutes les semaines, on fait aussi une heure de coaching en individuel pour accompagner. Donc le but, c'est vraiment de vivre un mieux-être au quotidien, consolider le positif. On travaille beaucoup sur, je dirais pas tous les domaines de la vie, mais presque. Parce que du coup, j'estime que quand on vient me voir pour de la confiance en soi ou de l'estime ou un problème au travail, il y a forcément d'autres petites choses autour à débloquer. Donc, j'aime bien travailler sur tout. On va travailler sur les habitudes, le sommeil, le stress, les relations, plein de choses comme ça. Voilà, c'est donc très, ça, très c'est large, pour. Oui, voilà, c'est très large et c'est pour ça que c'est adaptable vraiment à toutes les problématiques. Et puis, donc, c'est sur 10 semaines parce qu'il fallait bien que je mette une deadline un peu trop court, ça aurait été pas assez approfondi et trop long. Bah, évidemment, moi, je suis disponible pendant 10 semaines pour chaque personne, donc faut au bout d'un moment qu'on s'arrête, quoi. Donc, y a ce programme-là en ligne. Et je fais aussi, du coup, des séances individuelles comme une thérapie, comme quand on va voir un thérapeute, un psy, life coach, tout ça, c'est individuel à l'unité. Voilà. D'accord. Et tout se passe en ligne ? Tout se passe en ligne, oui. Bah, avec un petit peu les tournures en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir un cabinet. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'en ligne, pour commencer, c'est pas mal. Et surtout, les séances sont les mêmes, finalement. Parce qu'on fait ça en visio ou par téléphone. Il y a un suivi aussi, du coup, pendant les 10 semaines, tout le temps, si mes clients ont besoin de poser des questions ou qui ont, par exemple, genre des blocages ou des choses comme ça, ils peuvent m'envoyer un message. Du coup, je suis là en permanence. Donc ça, c'est assez pratique. C'est très pratique, voilà. En effet. Alors justement, pour qui et pour quel type de problème ? Alors moi, du coup, j'accompagne en moyenne, ce sont plus des femmes. Non pas que je ne veuille pas accueillir d'hommes, j'en ai eu, c'est très enrichissant. Mais je pense qu'il y a une démarche aussi par rapport, je pense, à ma personnalité. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais assez douce, empathique, etc. Je suis très, très ouverte. En plus, en général, on me renvoie comme compliment que, voilà, que je suis très... comment je pourrais dire ? Oui, très douce, très naturelle. Et je pense que c'est quand même une démarche importante à faire dans sa tête, de se dire, déjà, je vais me faire accompagner, en plus par une jeune femme. Je pense que ça peut en bloquer certains. Donc en général, c'est plus des femmes que j'accompagne. Donc après, voilà, c'est pour un. Vu que c'est un mieux-être au quotidien, il y a une base de problématiques. Généralement, c'est confiance en soi. Ça va être les petites dépressions passagères hivernales, par exemple, les choses comme ça. Et puis bah, après, on accompagne tout. On débloque tellement de choses qu'on se sent vraiment épanoui dans plein de domaines de la vie, en fait. Donc je pourrais pas dire. Pour telle ou telle thématique de base, on peut venir me voir. Je pense que c'est très large. Et sinon, je ne fais pas les enfants. Donc, les adolescents, oui. Mais alors, les enfants en bas âge, on me l'a déjà demandé. Mais je pense que mon programme, il n'est pas adapté. C'est vraiment beaucoup de réflexion, comme une philosophie de vie en soi. Donc, les enfants, ce n'est pas tellement adapté. Par contre, en séance individuelle, là, j'adapte. et c'est vraiment un suivi du coup vraiment personnalisé. D'accord. Voilà. Alors justement, en parlant de suivi, comment se déroule un suivi? Alors avec le programme du coup de 10 semaines, tout le programme en intégralité, le gros fichier, il est envoyé en un seul coup. Et puis après, donc, c'est au coaché de suivre semaine par semaine. Donc il y a vraiment de tout. Il y a des audios, il y a des vidéos, il y a des PDF à lire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices au quotidien. Et puis, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut m'envoyer des messages tout au long de la semaine. On se fait également une heure de coaching fixe par semaine. Donc ça fait donc 10 heures de coaching en tout, plus le programme. Donc c'est vraiment un accompagnement comme si en fait je prenais la main, je donne toute ma petite caisse à outils avec toutes mes astuces, mes conseils, vraiment tout. Et puis je donne la main et puis je lui dis bah, viens, on avance ensemble, je te montre comment faire. Et puis après, voilà, on avance tranquillement au long des semaines, quoi. Voilà. D'accord, jusqu'à ce qu'il soit libre de voler de ses propres ailes. Exactement. Et puis, bah, en séance individuelle, après, ça dépend de la problématique, de ce que la personne choisit de prendre. Donc, je fais une facilité de paiement. À un moment, j'ai proposé 3 séances de coaching à acheter d'un seul coup. Je me suis dit, ça peut peut-être aider certains, vraiment ceux qui sont déterminés à avancer. Et puis après, c'est comme ils veulent, s'ils se sentent débloqués. S'ils veulent continuer ou non, c'est vraiment au choix de la personne. Voilà. D'accord. Alors, moi, pour avoir ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait vraiment un rapport de... voilà, un humain, une sorte de feeling, un vrai échange, en tous les cas, oui, c'est ça. Qui se passe. Alors, vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Je pense que c'est une vocation, on l'a entendu. Oui. Hein. Je dirais... que c'est pas une reconnaissance, c'est vraiment aider les gens et se dire grâce à moi aujourd'hui, du moins à mon travail et ce que j'ai pu lui apporter, elle peut sourire, elle peut parfois reprendre goût à la vie carrément. Ça m'est déjà arrivé de suivre une personne qui vraiment était, comme on dit, au bout du rouleau, qui n'arrivait plus à rien, et de fil en aiguille, et bah, reprendre de l'espoir, se sentir vraiment bien au quotidien pour des petites choses. Et c'est ça que j'aime, c'est travailler sur des petits détails, parce que la vie, bah, c'est fait que de petits détails finalement, parce que c'est le vase qui se remplit, et puis au bout d'un moment, on ne peut plus. Donc là, avec mon accompagnement, mon authenticité, je vais dire les choses, parfois des choses qui vont débloquer des trucs un peu, qui font un peu mal, mais pourtant on me dit merci, et j'aime beaucoup ça en fait, vraiment redonner de l'espoir, le sourire, montrer qu'on est capable, que vraiment on a du potentiel, qu'on n'est pas nul, tout ce qu'on peut entendre, tout ça c'est vraiment gratifiant. Donc voilà, je pense que c'est ça la principale motivation, c'est aider les gens, voilà, tout simplement. Et c'est beau, alors justement, je me permets de rebondir. Qu'aimeriez-vous dire à toutes les personnes qui aimeraient entamer cette démarche, devenir consulter, mais qui n'osent pas encore, qui se posent des questions? Est-ce que vous avez éventuellement un message à leur adresser? Allez-y. Essayez. Tout simplement, bah, je pense que voilà, cette démarche de se dire je vais pas bien, déjà c'est un premier pas de reconnaître qu'il y a quelque chose qui va mal, après savoir dans quel domaine de vie, et puis après de se dire bah, c'est pas grave de vouloir se faire aider. Au contraire, on va investir dans un smartphone à plus de 1 000 euros pour pouvoir appeler et être sur Instagram, et on ne va pas investir pour juste vivre une vie épanouie et en harmonie et pleine de sérénité. Je trouverais ça dommage. Il y a des aides qui sont là pour ça, moi ou d'autres thérapeutes. Je trouverais ça dommage du coup de pas se lancer juste parce qu'on va avoir une peur ou une croyance limitante ou toutes ces choses-là. Et du coup, bah, on est là, c'est notre métier, c'est le mien. Donc moi, je serais ravie du coup d'accompagner ces gens-là. Et puis voilà, de toute façon, en suivi au début, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on fait une première rencontre. Que ce soit en visio ou au téléphone, pour vraiment sentir s'il y a un feeling, si mon programme correspond aux attentes, mais surtout pour voir si on s'entend bien, si ça va bien matcher. Et c'est comme une relation je dirais pas amicale, parce que évidemment c'est patient, thérapeute, etc. Mais il y a vraiment de l'authenticité en fait dans mon coaching, et je me dis que si je peux juste apporter un soulagement, bah, faut foncer quoi, faut pas hésiter. Voilà, on va bien chez le médecin pour aller chercher des Doliprane quand on a mal à la tête. Pourquoi ne pas aller chercher une accompagnatrice bien-être quand on a envie de sourire? Voilà. Bien sûr. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Marion. Alors, Merci. comment faire si l'on souhaite vous consulter? Alors, j'ai un site internet où il y a tout qui est disponible. J'ai du coup donc le programme avec du coup les différentes possibilités de paiement. Et il y a aussi ma page consultation individuelle. Sur ce site, donc tout est vraiment sur le même site. Et j'ai aussi une page blog. J'ai une petite boutique également où il y a beaucoup de choses gratuites. Il va y avoir des petits magazines de pensée. Il va y avoir des e-books, des challenges. Il y a vraiment tout. Et tout est sur mon site beyourself.com. Je crois savoir que l'on peut également vous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, alors j'ai Instagram, Facebook, c'est Be Yourself, et puis j'ai lancé une petite chaîne YouTube du même nom, donc au fur et à mesure, il y aura des vidéos qui vont apparaître, et pourquoi pas des lives sur Twitch aussi. Merci Marion. Merci.